Gorillaz, nouvel album Cracker Island. Le quatuor virtuel mené par Damon Albarn s'entoure de featuring d'exception sur un 8e album exaltant et optimiste. Gorillaz, nouvel album disponible dès maintenant. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le récit d'un fait divers devenu bien malgré lui le point de départ d'une incroyable, délirante et rocambolesque enquête populaire, la disparition du curé de Châtenay. Dans le sud de la région parisienne, au mois de juillet 1906, bon, ça ne date pas d'hier, mais l'histoire traverse le temps sans rien perdre de son intérêt et, si j'ose dire, vu la nature des faits, de son charme. En juillet 1906 donc, un homme disparaît sans laisser de traces. On ne retrouvera que son chapeau taché de sang et plus tard son vélo abandonné près d'un étang. Cet homme de 34 ans, c'est l'abbé Delarue, curé de Châtenay. Prêtre modèle, personnage sans histoire, voilà qui fleure bon le crime crapuleux, le crime de rôdeur. Mais en plein contexte de la loi sur la séparation des églises et de l'État, la presse de l'époque monte cette affaire en épingle. De petits faits divers de campagne, l'affaire de la disparition du curé de Châtenay va faire la une de toute la presse nationale. Et, afin de résoudre le mystère d'un crime sans coupable, sans cadavre et sans indice, certains grands politiques et quotidiens débauchent sur place des moyens loufoques. En plus d'une nuée de journalistes, un journal engage un mage indien, un autre un hypnotiseur, et plus fou encore, un journal va jusqu'à payer un dompteur de hyènes pour retrouver le cadavre du curé disparu. La vérité dans cette affaire apparaîtra au grand jour, un mois plus tard, ridiculisant les uns, stupéfiant les autres. Notre invité aujourd'hui, Alain Denizet, historien et conférencier, il est l'auteur d'un livre sur cette affaire, intitulé « Le roman vrai du curé de Châtenay 1871-1914 », paru aux éditions Ella au mois d'avril dernier. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA et avec Retro News, le site de presse de la BNF. Récit documentaire Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Dimanche 29 juillet 1906, Châtenay, village d'Eure-et-Loire. Nous sommes à 80 km au sud de Paris, en plein cœur d'une région où le plus haut sommet frôle les 2 cm, une plaine céréalière et agricole, la Beauce. Le long des chemins qui sillonnent le paysage, champs de blé et pâturages, parfois délimités par quelques mares, étangs et bosquets, s'étendent à perte de vue. Ici et là, des petits bourgs, 200 à 300 âmes tout au plus, avec leurs fermes, leurs clochers, leurs écoles parfois, un maréchal ferrant, souvent, et même leur bureau de poste ou leur mairie, et toujours quelques petits commerces et bistrots. Ici à Châtenay, comme dans tout le reste de la Beauce, les habitants vivent au rythme des saisons et de leur culture, loin du tumulte de la ville, loin aussi de l'agitation politique du moment. De la loi sur la séparation des églises et de l'État, pourtant importante, promulguée en 1905 et qui avait suscité un climat d'affrontement et de violence dans les rues de Paris. Peu en ont entendu parler ici, et la grande majorité des autres ignorent que l'État vient d'établir l'acte fondateur de la laïcité. En ce dimanche matin à Châtenay, malgré la pluie, plusieurs personnes se rassemblent sur le parvis de l'église. À leur grande surprise, les portes sont closes. Les cloches, elles, demeurent silencieuses. Ailleurs, dans le village, les mines sont graves et l'embarras se lit sur le visage du maire, Monsieur Duret. Il se trouve que la veille, en pleine nuit, une jeune femme, prise d'une crise d'angoisse, a alerté le voisinage. Son frère, le curé de la commune, l'abbé Joseph Delarue, a disparu. Réveillé, le maire est parti à la gendarmerie la plus proche, située à une quinzaine de kilomètres de là, à Étampes, là où l'abbé Delarue avait pris le train en début de semaine pour monter à Paris visiter des amis. De Paris, justement, la logeuse du curé confirme dans un télégraphe que celui-ci est bien arrivé le lundi 23 et qu'il est reparti le lendemain pour Châtenay. Joseph Delarue, avait pris un billet à bord du train de 14h40 Paris-Orléans et il devait descendre en gare d'Étampes avant de prendre la connexion pour Renault et ensuite rentrer à vélo jusqu'au village. Aux gendarmes, la sœur du curé Marie affirme qu'elle a pensé d'abord à un contretemps. La jeune femme voulait aussi éviter ragots et rumeurs qui auraient circulé si elle avait prévenu la gendarmerie pour rien. Alors, malgré son inquiétude, Marie n'a rien dit 5 jours durant, avant de donner l'alerte en pleine nuit. Si l'enquête judiciaire n'a pas encore commencé, dans les petites rues de Châtenay, déjà une théorie l'emporte sur les autres, comme le rapportera par la suite Alain Denizet. Au village, la nouvelle vole de porte en porte. L'abbé a été assassiné. C'est le maire qui l'a dit en revenant de la gendarmerie. Le coup a été fait entre Étampes et ici. C'est la stupeur. Au sein des petits groupes qui se forment, chacun commente. Des rumeurs enflent. Un villageois affirme qu'il a rencontré au milieu de la nuit une troupe de bandits masqués. Un autre jure avoir entendu à l'assassin. Deux jours plus tard, mardi 31 juillet, le garde particulier d'un château situé à une dizaine de kilomètres de là fait une découverte inquiétante. Sur la haie de la propriété, il trouve un petit béret troué et ce dernier est taché de sang. À l'intérieur, l'étiquette d'un magasin où l'abbé Delarue avait coutume d'aller. La couleur et la forme du couvre-chef correspondent à celui du curé de Châtenay. Alors la tension grimpe d'un cran. Lorsque dans la foulée, le 3 août, l'envoyé spécial du journal La Croix affirme que la gendarmerie d'Étampes vient de retrouver le corps sans vie d'un homme d'une trentaine d'années et qu'il s'agirait, selon toute vraisemblance, de Joseph Delarue, le curé de Châtenay. Un crime probablement crapuleux, commente le journaliste. Le jour même, le vicaire général écrit une lettre dans laquelle il déclare que l'abbé Joseph Delarue est décédé, victime d'un odieux assassinat. Averti à son tour du drame, une cousine de l'abbé Delarue écrit au vicaire pour lui dire qu'elle a reçu une lettre de Joseph la veille du départ de ce dernier pour Paris. Par une permission du bon Dieu, je suis dépositaire des dernières aspirations de cette belle âme. J'ai lu sa chère missive, une vraie relique. Au moment où sans doute il expirait sous le coup des assassins. Je prie et fais beaucoup prier pour lui. Coup de théâtre, après expertise, on s'aperçoit que le cadavre découvert par les gendarmes n'est pas celui de l'abbé Delarue, curé de Châtenay. Non, et le juge d'instruction Léon Germain en est certain. En effet, le corps retrouvé est celui d'un homme de grande taille, mince, revêtu d'habits de paysan. Or, l'abbé Delarue mesure tout juste 1m60. Il a un visage rond, un corps dodu, des cheveux châtains, une soutane usée. Le jour de sa disparition, il portait un pantalon court et avait autour du cou un scapulaire, accessoire de dévotion, et un Christ en ébène. Alors, si le corps retrouvé n'est pas celui du curé, où est-il, le curé? Règlement de compte? Tentative de vol qui aurait mal tourné? Les deux hypothèses sont envisagées. De son côté, l'enquête des gendarmes se heurte très vite à l'absence de mobiles, d'indices, de témoignages et de cadavres, à la totale. Dès ses premières lignes, l'histoire improbable de la disparition du curé de Châtenay a tout pour aiguiser l'imagination du public. Et elle va devenir, malgré elle, le théâtre d'un affrontement entre la presse anticléricale et la presse conservatrice. La première flaire un scandale caché dans la paroisse sur fond d'histoire d'argent. La seconde veut à tout prix sauver l'honneur de son homme de foi, dont elle pense qu'il a été la victime de malfaiteurs inspirés par la tension autour de la loi de séparation des églises et de l'État. Comme en témoigne cette une du journal Le Petit Parisien, toutes les hypothèses sont émises, ou si vous préférez, dans le langage d'un procureur bontin, aucune hypothèse n'est écartée. Ici, on évoque une vermine des chemins. Comprenez un vagabond. À mesure que les recherches de la justice circonscrivent dans cette mystérieuse affaire de la disparition du curé de Châtenay, le champ des hypothèses, la culpabilité d'un ou de plusieurs vagabonds ou cheminots paraît plus vraisemblable. Ils sont nombreux, surtout en cette saison de l'année, ceux qui, selon la vive expression dont ils se servent, se sont mis sur la route. Et il est assez désagréable, lorsqu'on les rencontre, de se demander si on a en face de soi la victime d'une misère injuste, digne par conséquent de sympathie et de secours, ou au contraire, un récidiviste dangereux, tout prêt à vous faire votre affaire. En ce début du XXe siècle, il est fréquent de trouver à la une des journaux faits divers et autres récits criminels. Très tendance à l'époque. Disparitions, rebondissements, suspense, histoires qui peuvent arriver à tout le monde. Le fait divers parle à tout le monde. Le matin, l'un des plus grands tirages de la presse de l'époque engage des journalistes reporters dont la plume se mélange parfois à celle d'auteurs de récits policiers. Ce sera le cas de Gaston Leroux, par exemple, chroniqueur judiciaire, qui va publier dans les colonnes du journal Le Fantôme de l'Opéra, un récit romanesque, inventé, mais dont la proximité avec le reste de l'actualité crée et alimente la rumeur sur l'existence, cette fois, d'un véritable fantôme qui entrait bien, bel et bien, l'Opéra de Paris. Dans l'affaire de la disparition du curé de Châtenay, ce même quotidien, Le Matin, va se fourvoyer dans une invraisemblable chasse à l'homme. Son rédacteur en chef, persuadé que la réponse se trouve dans le canton d'Étampes, recrute une trentaine de trappeurs. Il organise ensuite une battue à travers la campagne, des premières heures du jour jusqu'à la tombée de la nuit. Les champs, les bois et les rivières sont ratissés, fouillés, sondés, mais à chaque fois, en vain. En couverture de son édition du week-end, alors là, c'est l'apothéose. 1 000 francs à celui qui nous le retrouvera. Tel est le titre, en gros caractère, bien sûr. À chacun de ceux qui lira ces lignes, sachez que face à l'émotion populaire que soulève cette affaire, et afin de permettre à notre campagne de retrouver le calme et à ses habitants une sérénité certaine, la direction du journal Le Matin décide d'offrir une récompense de 1 000 francs à celui qui retrouvera l'abbé. Le présent montant sera remis que l'abbé soit retrouvé mort ou vif. Dans les jours qui suivent, des milliers de personnes débarquent dans les environs de Châtenay, nouveaux chercheurs d'or. Il y a là une jolie faune. Détectives privés, amateurs comme professionnels, cartomanciens, hommes de foi et jeunes gens qui rêvent d'avoir leur photo à une. Quant à la somme offerte par Le Matin, elle représente 6 mois de salaire dans les champs. Une prime faramineuse à laquelle s'ajoutent 500 autres francs, promis cela par la famille de l'abbé de la rue. Voilà, le cirque est en place et le barnum complet. Entre dénonciations hasardeuses, canulars et tentatives d'escroquerie, tout le monde va s'en donner à cœur joie, Tartuffe et pieds nickelés en tout genre. Une situation qui, bien sûr, nuit gravement à l'enquête des gendarmes, comme l'analysera plus tard Alain Denizet. Depuis l'annonce de sa soudaine disparition le dimanche 29 juillet, le corps va être retrouvé 10 fois. Là, près des Temples, le 2 août, ici, près de Montlhéry, le 5, percé de 18 coups de couteau. Là encore, le 6, dans l'étang de Moulineux, où des hommes en barque sondent les fonds à l'aide de perches munies de crocs. 10 fois, des rumeurs aussi éphémères que des feux follets. Les recherches officielles se focalisent sur les trajets supposés de l'abbé, mais se révèlent difficiles en raison du paysage très tourmenté. Dans les jours qui suivent, le journal Le Petit Parisien publie une biographie du curé de Châtenay. Joseph de la Rue est né le 21 septembre 1871 à Imonville, un village situé à une quinzaine de kilomètres de Châtenay. Il est l'aîné de 3 enfants issus d'une famille de paysans. Ses parents louent une ferme dont ils exploitent les terres. La jeunesse de Joseph se passe donc dans les champs, au contact des céréales, des animaux et d'un travail quotidien laborieux. L'arrivée dans la Beauce du télégraphe, du train et bientôt des journaux, des marchandises et même du téléphone vient petit à petit désenclaver une région qui vivait jusqu'ici en vase clos avec ses traditions et le travail de la terre comme seul objectif. Vers ses 13 ans, Joseph, dont l'avenir semblait tout tracé pour reprendre la ferme familiale, choisit de partir. Attiré par la lecture, l'écriture, il entre au séminaire. On le retrouve par la suite vicaire à la paroisse de Nogent-le-Rotrou, dans la région de Chartres, puis il est nommé à l'été 98, 1898 bien sûr, curé de Châtenay. L'une de ses grandes réussites, c'est la création d'une école privée pour filles. Il a financé le projet en partie avec son argent. Il a même participé aux travaux de charpente et de peinture. À Châtenay, Joseph Delarue est donc un personnage apprécié, un homme respecté et respectable. Voici ce qu'en pensent de lui des habitants qui se confient à la presse de l'époque. Quand des personnes étaient malades et peu fortunées, l'abbé les envoyait chez M. Morchouane, le boucher de Saint-Ville, et leur faisait fournir des viandes qu'il réglait après guérison des malades. Combien de fois n'a-t-il pas payé le fermage à des paroissiens ruinés ? En hiver, comme en été, il n'hésitait pas à se lever à n'importe quelle heure de la nuit pour aller chercher un médecin. Par tous les temps, on le trouvait sur les routes. Rond, un bon garçon sans façon et accessible à la poignée de main facile que l'on croisait dans la rue, souriant, coiffé de sa petite calotte. Même les personnes qui étaient dans l'indifférence religieuse étaient les premières à l'estimer. En cet été 1906, l'enquête sur la disparition de Joseph Delarue focalise l'attention d'opinion. Chaque semaine qui passe est l'occasion pour la presse de se lancer sur une nouvelle piste ou de proposer une nouvelle contre-enquête. Après 3 semaines de recherches infructueuses, les journalistes sont convaincus d'avoir cerné 3 pistes sérieuses. La première, un crime d'argent. Au moment où il a disparu, la sœur de l'abbé Delarue affirme que ce dernier transportait dans sa sacoche plusieurs centaines de francs. Toujours dans sa sacoche, l'abbé avait un revolver chargé. Dans son entourage, certains racontent qu'il leur avait dit craindre de devoir s'en servir un jour. La deuxième piste est celle qui se rattache au contexte sur la loi sur la séparation des églises et de l'État. La disparition de l'abbé Delarue pourrait être un enlèvement orchestré, perpétré par un groupe d'anticléricaux. Oui, mais dans quel but ? Personne n'a demandé de rançon jusqu'à preuve du contraire. Et surtout, pourquoi s'en prendre au curé d'un petit village de campagne ? À l'exception du chapeau, les enquêteurs n'ont pour l'instant aucun autre indice. Aucune trace du vélo, ni de la sacoche du curé et surtout de son cadavre. Alors, la vérité dans cette affaire est-elle ailleurs ? Si oui, elle est alors sur une troisième piste, la plus surprenante à première vue. Théorie inconcevable au début et à laquelle chacun se refusait de croire, autrement dit, une fugue du curé sur fond de relations amoureuses. Et ce sont les journaux, sur la foi de témoignages pas toujours très clairs et souvent scabreux, qui soulèvent les penchants réels ou supposés du curé de Châtenay pour les femmes et ses nombreuses conquêtes. Les journalistes retrouvent plusieurs d'entre elles. L'une s'appelle Madame Valot. Elle habite Nevers, à 150 km de là. Femme divorcée, elle est la maîtresse d'un général de l'armée. Face aux journalistes venus de Paris, Madame Valot dément pourtant toute relation intime avec l'abbé. Non, elle explique qu'elle ne l'a pas revue depuis plusieurs mois. Autre personne ciblée par la presse, la jeune institutrice du village de Châtenay, Marie Frémont. Elle aussi est, selon certains témoignages, très proche de Joseph Delarue. Alléchante et séduisante, la piste d'une escapade amoureuse entre le curé de Châtenay et sa maîtresse se dégonfle faute de preuves et d'éléments tangibles. Ensuite, pendant le mois d'août, Joseph Delarue va être prétendument aperçu aux 4 coins de la France et même à l'étranger, ici dans une gare parisienne, là dans un cabaret des Tempes, puis à Biarritz en compagnie d'une femme, ensuite à Nevers déguisé en plombier. Allez savoir pourquoi, ou encore à Calais, et même en Suisse et au Maroc. Au total, les gendarmes vont devoir dénouer le vrai du faux dans une forêt d'hypothèses, une bonne centaine. La presse, elle, ne s'avoue pas vaincue. Et jamais avare d'idées ou d'inspiration, elle prépare déjà de grandes opérations pour trouver Joseph Delarue, le curé de Châtenay, mort ou vif. Petit mot gentil, ce petit mot qu'on dit, qui sonne plus que jamais à vos oreilles. En vous il sommeille, voilà qu'il s'éveille, espoir. Il suffit de penser à lui, alors en nous tout resplendit. Espoir. C'est lui qui pénètre en nos cœurs pour y prolonger le bonheur. Espoir. Petit feu par moment voilé, tu allumes le monde entier comme un brasier. Espoir. De toi l'on se nourrit bien mieux que d'un rôti. Que belle, belle est donc la vie quand tu fleuris ce que j'écris. Ce soir tu me séduis, je t'ai choisi. N'est-ce pas toi qui ris ici, si, espoir. Il est prouvé que l'on vit d'espoir. Pourquoi monsieur n'en pas avoir? Pourquoi madame ne pas y croire? Tous les jours moines ont leur lendemain. Les grandes histoires ont aussi leur fin. Espoir. Je n'ai parfois pas plus long qu'un soir. Ça suffit pour s'apercevoir que chacun de nous a dans son tiroir pour quelques sous d'espoir. Espoir. Que l'on vit d'espoir. Pourquoi monsieur n'en pas avoir? Pourquoi madame ne pas y croire? Tous les jours noirs ont leur lendemain. Les grandes histoires ont aussi leur fin. Espoir. Je n'ai parfois pas plus long qu'un soir. Mais ça suffit pour s'apercevoir que chacun de nous a dans son tiroir pour quelques sous d'espoir. Affaires sensibles sur France Inter. Mercredi 15 août 1906, dans les kiosques à journaux de la capitale, la disparition du curé de Châtenay s'affiche toujours à la une. Au même moment, deux mystérieux visiteurs débarquent à bord d'une voiture Renault dans le village de Châtenay. L'un d'eux a environ 25 ans. Il se prétend mage, il affirme être hindou. Son nom, Deva. Avec un H à la fin, s'il vous plaît, ça fait plus hindou. Spécialiste de la physionomie et de la phrénologie, la physionomie du crâne, l'individu affirme qu'il est capable de retrouver la trace de l'abbé Delarue à partir d'une simple photo ou d'un objet lui ayant appartenu. Aux côtés de ce jeune homme, au profil pour le moins atypique, on trouve un publiciste parisien du nom de Marle, bien connu pour sa passion pour la magie et les sciences occultes. Connu également pour avoir un sérieux penchant pour l'opium. Enfin, voilà pour le profil de ces deux personnages qui suscitent, ils le cherchent un peu quand même, curiosité, incrédulité et inquiétude chez les habitants du village de Châtenay. Pour financer leur petite expédition, Deva et Marle se sont engagés à livrer l'exclusivité de leur aventure au quotidien Le Journal. Avec comme seul indice donc une photo de l'abbé, les deux hommes partent sur les petites routes et les chemins des environs au volant de leur voiture. Lorsqu'ils arrivent sur le chemin de terre qui mène de Chalot-Saint-Mars à Étampes, le jeune mage hindou change brusquement de comportement. Il est étrange, il se frappe le front. Il hurle à Marle de stopper le véhicule, en descend, se précipite dans les bois et crie. Lorsque Marle le rejoint, ce dernier découvre un vélo derrière des feuillages. Et incroyable, sur la plaque, accrochée au guidon, il peut lire « Delarue, Châtenay ». Aucun doute, les deux hommes viennent de mettre la main sur le vélo du disparu. Chapeau. Stupeur. Un hindou a mis la main sur la bicyclette par la seule vertu de ses pouvoirs divinatoires. À quelques centaines de mètres, où on avait retrouvé le béret de l'abbé. Les battues du journal Le Matin et les investigations du juge Germain sont renvoyées à leur fiasco. Deva est hissé au niveau de César par le quotidien Le Temps. Il est venu, il a exploré, il a deviné. Tandis que la presse anglo-saxonne célèbre le Sherlock Holmes hindou. Le vélo est authentifié par la sœur de Joseph Delarue. Marle et le mage Deva sont auditionnés par le juge. Car si cette découverte apparaît comme une avancée pour l'enquête, importante même, le magistrat des Tempes ne comprend pas comment les deux hommes ont pu tomber sur le vélo dans un endroit qui a déjà été fouillé deux fois. Et surtout, pourquoi la bicyclette était-elle si propre après plus de trois semaines passées dans un sous-bois ? Mais sorti du bureau du juge, l'information fait son effet. La presse, qui semblait à court d'idées, repart de plus belle. Quant au mage indien et à son acolyte parisien, ils deviennent de véritables célébrités. D'autant que Deva affirme être capable cette fois de retrouver le corps de l'abbé Delarue et dans les cinq jours. Dans ce qui pourrait s'apparenter à une sorte de procession, Deva marche alors devant une foule et multiplie les gestes loufoques. Il hume l'air, arrache de l'herbe qu'il met dans ses poches, se met à mâcher de la terre dans sa bouche ou encore à sucer des cailloux. Dans sa main droite, il tient une sorte de baguette qu'il fait virevolter devant lui. Dans sa main gauche, il brandit une croix blanche. Perché, quoi. Dans la zone, près du château, où on a retrouvé le béret du curé puis son vélo, Deva retrouve cette fois un couteau rouillé, une sorte de papier blanc qui semble être taché de sang. Pris d'un effet de transe, c'est le béaba. Le mage se met à réciter le profil de l'assassin de la paix. Il a 20 ans. Moustache naissante, main osseuse, vigoureuse, qui portait une casquette de drap et des vêtements sombres. Il a déjà eu des ennuis avec la justice. Il a frappé l'abbé avec un couteau. Après avoir reçu de la main de Marie Delarue, la sœur du disparu, un mouchoir ayant appartenu au curé, le mage Deva se lance cette fois dans une explication encore plus surprenante. L'abbé Delarue n'est pas à l'étranger. Je garantis que cet homme est mort. Mort assassiné. Celui qui a attaqué le curé l'a aperçu à une longue distance. Et s'est embusqué au tournant d'une route pour le tuer. Quelqu'un lui a cherché querelle une première fois. Et l'a même menacé. L'abbé éprouvait ce soir-là une grosse crainte. Il avait peur. Ma science ne m'a jamais trompé. Conscient qu'il y a là un incroyable potentiel, un autre titre de la presse, le journal La Patrie, engage une cartomancienne et un autre mage. Se joignant à Deva, tout ce beau monde bat une nouvelle fois la campagne, s'auto-hypnotise pour finalement forcer la porte d'une petite maison, persuadé que quelque chose se cache dans la cheminée. Ils ne trouveront rien d'autre qu'une vieille femme apeurée. Dans cette course à la surenchère médiatique, et alors que le journal et la patrie usent et abusent des pouvoirs mystiques de prétendus voyants, le quotidien Le Matin, lui, choisit une autre stratégie. Samedi 18 août 1906, il est un peu plus d'une heure du matin lorsqu'un train de marchandises en provenance de Paris entre en gare d'Étampes. Les gendarmes encerclent le convoi. D'un fourgon, deux hommes à forte carrure extraient une cage métallique. À l'intérieur se trouve le précieux chargement payé et convoyé par le journal Le Matin depuis l'Afrique pour retrouver le cadavre de l'abbé Delarue, une hyène. Carlos, c'est le nom de l'animal, ne chasse que la nuit. L'équipe de journalistes travaillera donc en nocturne. Sur le toit d'une voiture à cheval, le dompteur hisse la cage de son animal. Un convoi de véhicules se forme et part à travers les champs. L'animal n'a pas mangé depuis deux jours et son flair doit lui permettre de retrouver n'importe quel cadavre des environs. Mais malgré les espoirs des journalistes, la traque se transforme en un piteux échec. Carlos, déstabilisé par cet endroit qu'il ne connaît pas, ne remonte pas à la moindre piste. sur les colonnes du journal Le Figaro, un titre qui, s'il n'est pas de l'humour, ce qui semble probable, en dit long. Sur l'errance journalistique de moment et l'état mental de tous ceux qui lisent leurs journaux, le titre en question, Carlos, la hyène, n'a rien trouvé, du moins n'avait-elle rien promis. Prise à défaut par des épisodes qui lui ont fait perdre sa crédibilité, la presse revient à des méthodes et hypothèses moins délirantes. Encore une fois, la piste d'un curé avide d'argent et voleur revient en première page. Mais coup de théâtre, à la mi-septembre, la justice inculpe un vrai suspect. L'individu en question a été dénoncé par le gérant de l'hôtel de la gare de Toury, qui l'a accueilli chez lui le 24 juillet. À son arrivée, le jeune homme pédalait de façon maladroite sur un vélo, et sa chemise était recouverte de sang. Bref, le jeune homme aurait croisé le chemin du curé, et pas pour le meilleur. Les deux se seraient battus, de la rue aurait été poignardé par son agresseur qui lui aurait dérobé argent et bicyclette. Voilà. Le juge Germain inculpe dans la foulée le garçon pour assassinat. Pour la justice, l'affaire est entendue. Le 24 septembre, deux mois après la disparition de Joseph Delarue, une grande cérémonie est organisée par l'évêché de Chartres dans la petite église de Châtenay. Il est midi lorsque la famille et les proches du curé défilent en direction de l'église. Les journalistes sont là, eux aussi, à l'écart cette fois. Au total, plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour rendre hommage au curé. Parmi elles, une cinquantaine de prêtres. La famille de Joseph Delarue pleure ce fils, ce frère, ce cousin et ce père, oui, pour tous les paroissiens, parti désormais pour son dernier voyage. Ici et là, les habitants de Châtenay conspuent les journalistes venus de Paris et qui ont osé faire planer sur le curé, sa famille et le village les pires racontars. Joseph est mort, voilà la seule vérité. Effectivement, au même moment, quand il est mort, à plus de 500 km de là, à Bruxelles, un homme révèle sa véritable identité face aux policiers qui l'interrogent. Et il dit « Je m'appelle Delarue Joseph Alfred, je suis né à Imonville en 1871, je suis l'ancien curé de Châtenay. J'ai quitté la France en compagnie d'une nommée Frémont-Marie et nous habitons Saint-Gilles, rue de Constantinople, au numéro 73. » Peu regardant sur la concurrence déloyale qu'il inflige à son maître, le curé ressuscite. Sur France Inter, Jean Lebrun dévoile la stupéfaction qu'a provoquée cette révélation. Personne n'avait porté assez d'attention en cette période de vacances à la jeune institutrice Marie Frémont, enceinte du curé. Elle avait fiché le camp avec lui pour rejoindre la Belgique. Le couple va mettre du beurre dans ses épinards en vendant ses mémoires feuilletonnées, à qui, au matin, certes pas à la croix, qui déclare « Delarue, traître à Dieu, à son évêque, à sa famille, à son pauvre père, que sa trahison courbe vers la mort ». Quelques journaux du nord de la France ont vent de la nouvelle et partagent le soir même. L'abbé Delarue serait à Bruxelles avec l'institutrice de son village, celle-ci enceinte de 6 mois, de ses œuvres. Se faisant passer pour un vendeur de bondieuseries, l'abbé avait tenté de se reconstruire une nouvelle vie en Belgique, effectivement. Problème, la loi dans ce pays stipule que tous les étrangers doivent se présenter au commissariat avec leurs papiers s'ils veulent louer un appartement. Or, le curé n'avait sur lui aucun document. Joseph Delarue vivant, la presse est déçue. Malgré ce revers, le journal Le Matin s'offre les confessions des deux amoureux pour 5000 francs. Leurs mémoires seront publiées chaque semaine à la manière d'un feuilleton pendant plus d'un mois. Quant à l'Église, elle va tout faire pour sortir victorieuse de ce scandale face aux anticléricaux. Apostat, défroqué, ça fait beaucoup. Face aux pressions de l'Église, justement, et de leur famille, le couple annonce la séparation mi-novembre, toujours dans les colonnes du quotidien Le Matin. Marie Frémont épousera par la suite le jardinier dont la famille avait recueilli la petite fille qu'elle a eue avec le curé. Quant à Joseph Delarue, il expiera sa faute dans un monastère et deviendra par la suite homme de lettres. Il quittera l'Ecclésia pour se marier à son tour en 1917. Né dans le contexte explosif de la séparation des églises et de l'État, l'affaire de la disparition du curé de Châtenay soulève aussi et surtout une question à laquelle l'Église catholique n'a toujours pas su ou voulu répondre en un siècle entier. Et malgré les déviances, agressions sexuelles et viols qui en partie en découlent, le célibat des prêtres. his son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. No matter how hard I try, when he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Vous écoutez Affaires Sensibles aujourd'hui, la disparition de l'abbé de Châtenay, une disparition dont nous allons parler avec notre invité Alain Delizet. Bonjour. Bonjour Fabrice Rouel. Historien, conférencier, vous êtes l'auteur d'un livre sur cette affaire, ouvrage qui nous plonge dans les coulisses de ce fait divers et qui nous permet d'en saisir la portée symbolique et surtout historique, on va y revenir. Le titre de ce livre, c'est Le roman vrai, donc un roman vrai, on va y revenir aussi, du curé de Châtenay, 1871-1914, livre paru aux éditions Ella au mois d'avril dernier. J'imagine que certains auditeurs ont dû se dire, mais cette histoire, il est en train de nous faire un poisson d'avril. Alors non, parce que cette histoire est vraie, et puis on est en septembre, donc pour poisson d'avril, ça colle pas. Comment avez-vous découvert, vous, cette histoire qui n'est qu'un fait divers, mais on sait à quel point, parfois, pas toujours d'ailleurs, mais parfois, les faits divers nous disent beaucoup de choses de l'époque dans laquelle ils s'inscrivent, notamment. Puis nous dit aussi des choses de l'âme humaine. Bien, comment avez-vous découvert cette histoire? Comment êtes-vous tombé dessus, déjà? Alors c'est une histoire, en fait, qui est connue un petit peu dans le département, qui a donné lieu à quelques articles, à 2-3 pages dans des livres, et également, il y a une dizaine d'années, à un mémoire de maîtrise d'une étudiante, Laurie Villette, que j'ai rencontrée et qui m'a dit qu'elle ne voulait pas poursuivre cette étude-là. Donc j'ai repris l'histoire, mais en tirant les fils de cette histoire et en déployant les ressorts qui jusque-là n'avaient pas été mis dans les livres, à savoir l'exploitation politique de l'affaire, le rôle considérable de la presse et la question de la morale sexuelle de l'Église. Tout à fait, mais il y a les trois, puisque vous me disiez qu'elle est connue dans le département. Est-ce que ce genre d'histoire forge l'identité d'une région? Prenez le Berry et les sorcières, la Lozère et le Gévaudan, ou les faits divers, la Haute-Savoie et les flactifs, les Vosges et l'affaire Grégory, le pain maudit à Pont-Saint-Esprit. Comme ça, est-ce qu'il y a des faits divers qui entrent dans la tradition orale, dans l'histoire d'une région, d'une localité? Alors, l'affaire du curé Châtenay, je dirais... pas vraiment. D'accord. L'affaire Brière sur laquelle j'ai travaillé un peu plus, c'est le quintuple assassinat de Corancé. Non, ce qui en Beauce marque la mémoire collective, c'est la bande d'Orgères. La bande d'Orgères, c'est 1800, et c'est une bande qui a pillé pendant des années, pendant l'époque du Directoire, et dont les chefs ont fini la tête guillotinée, justement, en 1800. Et la Beauce, c'est un endroit de la France, un fragment de la France qui ne ressemble à aucun autre. C'est une grande, grande plaine. On voit d'ailleurs la cathédrale de Chartres quand il fait beau, on la voit de très, très loin. Parce qu'il y a 15 kilomètres. 15 kilomètres. Et c'est vraiment la région des céréaliers. D'ailleurs, c'est une région riche parce que je crois savoir que cette activité agricole est quasiment la mieux rémunérée de toutes les activités agricoles. Oui, mais il y a une diversification en ce moment. Ah oui. Pas que les céréales, les pommes de terre, par exemple. Bon. Alors, quelle source avez-vous pu consulter pour décrypter ce qui s'est vraiment passé en cet été 1906 autour de la disparition de Joseph Delarue ? C'était difficile ou vous aviez vraiment ce qu'il fallait en coupure de presse et autres ? Alors, il y a des recherches qui ont été faciles. Je précise, vous avez raison de le rappeler, que c'est une histoire vraie, malgré ses extravagances. Alors, il y a, de façon très classique, les journaux. J'ai consulté beaucoup la presse. Là, je dis merci Gallica, merci Retro News, parce qu'on a maintenant accès très facilement aux journaux. J'ai utilisé également les archives du diocèse de Chartres, les archives départementales, pour décrypter le parcours de Joseph Delarue, du séminaire jusqu'à sa prêtrise. Enfin, il y a deux sources qui sont extraordinaires. C'est les Mémoires du matin que vous avez signalées dans votre récit et les Archives des Jésuites de Vanves, où là j'ai retrouvé la façon des lettres, des récits qui nous montrent comment Joseph Delarue et Marie Frémont en sont venus à s'aimer, à faire éclore un amour qui leur était interdit par leur éducation, puisque Marie Frémont est-elle ancienne novice des sœurs de Saint-Paul de Chartres, et les deux ont été éduqués à l'aridité des sens. Donc, en dehors des aspects très rocambolesques de l'histoire, il ne faut pas oublier que ces deux êtres-là ont lutté pour ne pas s'aimer et qu'ils en ont beaucoup souffert. Alors, quand même, un élément factuel. Donc, il est parti en Belgique, mais ce béret taché de sang, ce vélo abandonné, c'est une mise en scène, c'est quoi ? Alors, pour le chapeau, non. C'est pas une mise en scène pour le vélo, je vais vous dire mystère. Puisqu'on a interrogé l'abbé quand il l'a trouvé à Bruxelles, alors ce vélo qu'on a retrouvé, je sais pas. Alors, je vais vous dire aussi, moi je ne sais pas, mais il est très très curieux effectivement que ce vélo ait été retrouvé alors que les endroits avaient été sondés, fouillés par des battus du matin, des paysans, des curés, et le garde champêtre l'assure, on est déjà passé par là. Et bizarrement, il est retrouvé 3 semaines après la disparition du curé, il est comme neuf, enfin, comme s'il n'avait pas été altéré par les conditions météorologiques. Mais peut-être que c'est une mise en scène des deux illuminés, là, qui ont pris un autre vélo, le même, ils l'ont mis là, ils se sont dit, voyez comme on est fort. Non, c'est le vélo de l'abbé. Il y a la plaque de l'abbé, on a même démonté le vélo et la chambre à air, on se rappelle qu'il y avait elle avait été réparée à tel endroit. Non, c'est vraiment le vélo de l'abbé. Bon. Alors, vous avez, ça c'est pour le côté vraiment fait divers et mystère, vous avez raison de dire que le contexte politique est important. Alors évidemment, on est dans un an après le vote de la séparation des Églises et de l'État. Est-ce que ça a eu une influence sur cette affaire-là ? C'est évident. Le contexte a beaucoup joué et ce fait divers somme toute banal, c'est un homme qui disparaît, qui n'a pas commis de délit ni de crime, donne lieu à une traduction politique incroyable. Les journaux anticléricaux flairent l'aubaine, c'est un curé qui disparut, et donc ils se disent « il est parti en bombe », c'est l'expression de l'époque, avec une femme. Les journaux cléricaux voyez, conservateurs... Hein, les curés que vous défendez, hein, ça c'est la République ce sont en fait des dépravés qui ne pensent qu'à s'amuser, et bien sûr les journaux cléricaux, eux, défendent en même temps que l'honneur du curé, celui de l'Église. Non, c'est pas possible que l'abbé Delarue, nous sommes une Église qui est saine, et donc il a été tué par des radicaux socialistes du village d'à côté, parce qu'on avait soupçonné l'abbé de s'être mêlé aux élections de mai 1906. Ah oui, et là vous voyez qu'il n'y a pas, effectivement, du côté des Républicains, il n'y a pas d'accusation, ils s'en fichent complètement qu'il soit parti qu'une femme, totalement. Ce qui les gêne, c'est qu'il ait eu un comportement supposé politique, c'est ça qui les gêne en fait. Bien sûr. C'est pas l'histoire en elle-même, s'en fiche. Bon. Alors, il y a la presse. Donc, on voit le rôle complètement délirant de la presse. C'est la presse de l'époque qui s'enflamme pour des faits divers et qui en fait des romans. Parfois, Gaston Leroux, il y a un croisement du roman, du fait divers, du feuilleton. La presse de l'époque, c'est ça? Vous avez tout à fait raison, et dans le récit, on souligne que Gaston Leroux, qui chronique pour Le Matin, a écrit des... Mais lorsqu'il y a des procès en assises, tous les hommes de théâtre et les romanciers viennent assister pour y puiser des idées. Bien sûr. À propos de la presse, tout de même, commençons par un chiffre. À l'époque de l'abbé Delarue, Le Matin, le petit journal, le petit Parisien, tire à 2 500 000 exemplaires par jour. Ça fait rêver le Monde ou le Figaro. Et l'ensemble des quotidiens français, 10 millions. C'est dire que notre humble curé de campagne est devenu la vedette des faits divers pendant près de 5 mois. Ah, quand même. Alors, c'est la presse nationale. De la presse nationale. Plus. Sans compter qu'il y a eu, comme vous l'avez indiqué, non seulement en Angleterre, mais aux États-Unis, l'affaire du curé de Châtenay a traversé les océans, ne serait-ce qu'en raison de cet épisode extravagant qui est l'épisode de la hyène. Alors, s'il y a eu cette explosion médiatique, il y a le contexte politique, mais il y a également le fait que ce n'est pas un quidam qui est disparu, c'est un curé. Or, à cette époque, les romans, je pense à ceux de Mirbeau, je pense à ceux de Zola, les feuilletons des journaux mettent en scène des curés avides de sexe, d'argent, qui veulent capter les héritages des dévotes ou des pénitentes. Et tout ça explique que le public et les journaux aient pendant plusieurs mois relancé cette affaire sans arrêt chaque jour. Comme quoi elle est importante, hein. Bon, c'est pour ça qu'on en parle ici. On se retrouve dans 3 minutes, bien sûr, après avoir écouté Raphaël qui dit ce que le curé n'a jamais dit. Je suis revenu. Je suis revenu dans ma ville, familière jusqu'aux sanglots. Jusqu'aux ganglions de l'enfance, jusqu'aux nervures sous la peau. Tu es de retour. Avale donc d'un trait l'huile de foie de morue, des lanternes de Leningrad sur les quais. Sur les quais. Le petit jour de décembre. Connais-le bien vite au jaune d'œuf dissous dans le goudron sinistre sur le quai. Je ne veux pas encore mourir de mes téléphones. Tu as les numéros, j'ai les adresses d'autrefois. Je reconnais les morts à leur voix. À leur voix. J'habite l'escalier de service. Et la sonnette arrachée à la chair teinte dans ma tête. Et toute la nuit jusqu'à l'aube, j'attends les os de chair et les chaînettes de la porte cliquettent comme des fers. Sur les quais. Je ne veux pas encore mourir de mes téléphones. Tu as les numéros, j'ai les adresses d'autrefois. Je reconnais les morts à leur voix. Je ne veux pas encore mourir de mes téléphones. Tu as les numéros, j'ai les adresses d'autrefois. Je reconnais les morts à leur voix. Je suis revenu dans ma ville. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Alors, la presse, on continue de parler de la presse, Alain Denizet, avec cette histoire de hyène. Alors, vraiment, là, on est allé très très loin. Comment ça a été perçu, cette histoire de hyène? Parce que tout de même, c'est quand même, en plus, c'est un mauvais choix d'un point de vue de l'animal, parce qu'on a vu, on ne connaît pas du tout le terrain. Voilà, parce que la nuit, ils connaissent pas le terrain, c'était perdu d'avance, eux ne savaient pas. Il y a quelque chose de totalement ridicule. Racontez-nous ce que ça a créé comme émotion, comme réaction. Alors déjà, le matin est réputé pour faire d'oser ce que les autres n'osent pas. Donc il a osé la hyène, ça a évidemment beaucoup surpris. Il a été beaucoup critiqué. Oui. Par des journaux comme l'Écho de Paris, par exemple, ou La Patrie. Mais ces journaux-là, le lendemain de la visite de la hyène sur les lieux supposés du crime, que font-ils? Ils reproduisent en une le reportage qu'ils ont suivi. Donc il y a une contradiction. D'un côté, on critique, de l'autre, ça serait quand même trop bête de ne pas vendre de papier. Mais lorsqu'au bout de quelques jours, la hyène n'a pas les résultats escomptés, c'est un déchaînement contre le matin, aussi bien des journaux français que des journaux étrangers. Les journaux français, d'ailleurs, disent on passe pour des... on ridiculise notre justice aux yeux du monde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de hyène? Et le matin est ridiculisé, il fait profil débat pendant quelques semaines, ressort quelques affaires sur le curé qui aurait volé dans son église. Enfin bref, il aurait fui pour des histoires de peinture, de tableaux. Tout ça est abracadabrantesque. Mais le matin est le premier à mettre sur la piste, sur la bonne piste de Marie Frémont. Et alors, le matin, peut-être pour ça qu'on lui en veut pas, c'est bien le matin qui, après, recueille les confidences. Tout à fait. De monsieur et madame. Oui. Ça, c'est... Ça, c'est tranquille, hein, en toute impunité, quoi, tranquille. Extraordinaire. l'abbé Delarue et Marie Frémont ressuscitent, si je puis dire, à Bruxelles le 24 septembre 1906, 2 mois jour pour jour après leur disparition. 3 jours après, le matin obtient des confessions publiques, des mémoires qui vont être publiées sous forme de feuilleton pendant 40 jours. Gros succès, j'imagine, en plus. Un succès énorme qui choque énormément. C'est quelque chose de très moderne aujourd'hui, les gens qui confient leurs sentiments, leur vie. Mais à l'époque, ça ne se faisait pas du tout. On est habitué à la mémoire des cocottes, alors qu'il y avait des détails affriolants sur leur relation avec tel ministre, etc. Mais là, un curé et une ancienne novice qui confient leurs états d'âme, c'est du jamais vu. Et ils racontent tout, y compris comment cet amour a éclos et comment il se termine. Ils disent également leur souffrance, parce qu'ils ont combattu pendant 2 ans et demi contre cet amour-là, faisant des sacrifices, des retraites spirituelles. L'abbé Delarue a été voir son directeur de conscience, et puis la tentation a été la plus forte. Est-ce qu'il y a eu d'autres anecdotes affriolantes et avec la presse? Non, on a tout dit, la hyène. Non, dans le livre, il y en a plein d'autres, mais il y en a une que je ne résiste pas au plaisir de vous dire. C'est un autre hindou qui s'appelle Ramana, qui impressionne par, il a une béquille d'argent, enfin bref, il a une tenue vestimentaire qui fait sensation. Et lui, contrairement à Deva, il dit dans la photo, c'est pas bon. Lui, il dit qu'il procède avec la date de naissance de l'abbé. Et avec la seule date de naissance de l'abbé, il s'isole dans sa chambre, il sort, il annonce aux journaux que l'abbé a été tué 1h12 après être parti des temples et que son corps a été découpé en morceaux, raison pour laquelle, d'ailleurs, on ne retrouve pas le cadavre. Bien sûr. Alors, il nous reste quelques secondes, malheureusement. On peut dire, j'imagine que le travail de la gendarmerie a été quand même très perturbé par tout ça, là, tout ce barnum, tout ce cirque, non? Alors ça a été très très perturbé, surtout que les gendarmes n'étaient pas très nombreux, puisque c'était une affaire finalement de disparition, on ne lui a pas mis les moyens peut-être que le juge a réclamé, et c'est d'ailleurs pourquoi le camp clérical a crié au complot. C'est le gouvernement qui a donné des ordres pour qu'on ne retrouve pas l'abbé Delarue, de manière à faire durer une affaire qui embarrassait l'Église au moment de la séparation des Églises et de l'État. Et ben voilà, la boucle est bouclée. Merci infiniment Alain Denizet. Je rappelle le titre de votre livre, le roman vrai du curé de Châtenay. On trouve partout puisqu'il il a été publié au mois d'avril dernier. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le curé de Châtenay, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Ronan Mahé, puisque nous sommes vendredi. J'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Récits documentaires, Jean Bulot, Juliette Proutot, Adrien Cara et Adrien Mora. Attaché de production, Rebecca Donante. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Valentine Chedebois. Lecture, Philippe Pirard, Aurélien Labruyère. Réalisation, Marion Lelay, Fabrice Legge et Stéphane Combe.